无理想，得负面。Attention。2 000 000 et une fourmi contre seulement 10 humains. Et même si les hommes réfléchissaient, les fourmis y parviendraient à l'arrêt-volution. Révolution.